La réunion élargie de la 4e session plénière du 9e comité central de l'Union de la jeunesse communiste kimjongiliste a eu lieu le 28 juin à Pyongyang. Y ont pris part les membres titulaires et suppléants du comité central de l'Union, les permanents de l'Union pour la capitale et les provinces, et les officiels du domaine de l'éducation extrascolaire des jeunes et enfants. À la réunion, ont été discutées les tâches des organisations de l'Union de la jeunesse pour accomplir parfaitement les tâches précisées par le dirigeant suprême Kim Jong-un dans son discours à la 8e conférence de l'Organisation des enfants de Corée. Les membres de l'Organisation des enfants doivent être de véritables fils et filles de la patrie socialiste, des révolutionnaires.